présent qu'en son île. Des adieux à jamais, oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Thank you. Thank you. Thank you.